To break up then, look at your window and he'll be gone. That's the reason I'm traveling down. But don't think price, it's alright. Chante aussi vite cette chanson, putain. Je crois que ça, normalement, ça doit être, il me semble, c'est 90 à la noire. Là, on est à 110. Attends, je vais me rouler une clope, moi. Marc, c'est bien, ça fait des putains d'exercices, ça fait travailler au moins. Hein, parce que... Was I logging? like silver. This old hammer could party ring like silver, shine like gold, party at it shine like gold. Walking on a railroad for a dollar a day. Walking on the railroad for a dollar a day. Walking on a railroad could buy it for a dollar a day. Got to get my money, got to get my pay. Got to get my money, got to get my pay. Got to get my money, got to get my pay. Un truc de Mark Knopfler quand il était avec Nothing Hillbilly. Oh, je crois que c'est une reprise qu'il a fait, hein. Il me semble que c'est un traditionnel, ce truc, un vieux machin. A long time ago, the dream just as feel by the way. Je connais pas tellement, hein. C'est moi, en général, je chante mes chansons plutôt, et en français. J'ai quelques classiques de country ou autre, mais que je fais accessoirement pour m'amuser. Moi, je crois que de Knopfler, j'en ai piqué que deux, c'est tout.